الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير المرسلين. Certains savants ont dit que la peau qui devient pure après le tannage des barres est celle des bêtes dont la viande est comestible seulement. Par exemple, la peau d'une brebis, la peau d'un mouton, la peau d'une chèvre, etc. Sinon, les peaux, la peau des bêtes sauvages, les lions, les tigres, l'ours, etc., ne devient pas pure même après le tannage. C'est un avis de savant. Cet avis est le madhab de l'école de l'imam Al-Awza'i, Abu Thawr, Abdullah ibn al-Mubarak, Ishaq ibn Rahouya, et c'est le choix d'Ibn Taymiyyah et Ibn al-Qayyim, rahimahumullah. Leurs arguments, ils disent, l'argument hadith d'Ibn Abbas, il est clair, ce qui est interdit de la bête morte, et leurs arguments, c'est les hadiths qu'on a, que le prophète sallam, quand il a vu les gens traîner une brebis morte. Donc le hadith, il parle des bêtes dont la viande est comestible. Et il y a un hadith rapporté par Nasa'i, où le prophète sallam avait dit que tanner sa peau, c'est comme égorger. Tanner une peau, c'est comme égorger la bête. Donc, tanner la peau d'une... Ils ont déduit de ce hadith que le fait d'égorger un animal dont la viande est comestible, ça le rend halal, d'accord ? Contrairement à l'étrangler ou l'étuyer d'une autre façon. Donc, l'égorger rend sa viande halal. Tanner sa peau rend sa peau pure et halal, licite. Autorisé de prier dessus et de l'utiliser. D'accord ? Donc ils ont dit à partir de ça, donc égorger une bête sauvage, c'est comme tanner sa peau. Le fait d'égorger une bête sauvage, ça ne la rend pas pure. De même, tanner sa peau, ça ne rend pas sa peau pure. Vous avez compris le raisonnement ? Le tannage et le fait d'égorger sont pareils, ont le même hukm. Et du moment que le fait d'égorger une bête sauvage, ça ne rend pas sa viande halal, donc tanner sa peau, ça ne rend pas sa peau halal. Ça, c'est l'un des arguments sur lesquels ils se sont appuyés. Et il y a hadith aussi, selon Muawiyah, Ibn Abi Sufyan, Usama Ibn Umar, et selon Al-Miqdam Ibn Ma'di Karib, et selon si Abu Al-Malih, et que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a interdit l'usage des peaux des fauves. C'est un hadith rapporté par Abu Daoud, Tirmidhi et Nasa'i. Il a interdit l'usage des peaux de fauves, des lions ou des tigres. Ça, c'est un autre argument. On peut ajouter à cela les circonstances des hadiths. Tous ils parlent des bêtes dans la viande et comestible, comme le hadith de Maimouna, hadith numéro 18. Et les savants ont dit que c'est l'avis le plus fort. C'est le choix d'Ibn Taymiyyah et c'est le choix de Cheikh, parmi les savants contemporains, c'est Cheikh Al-Uthaymin. Il voit que la peau des bêtes sauvages, même tannée, est illicite. Il y a un autre avis, il dit les peaux tannées de toutes les bêtes sont autorisées, sauf celles du porc et du chien. Et tout ce qui naît du porc et tout ce qui naît du chien, comme le loup. Et ça, c'est l'école de l'imam Shafi'i. Il y en a qui ont accepté celle du porc seulement. Et c'est le madhab de Abu Hanifa. D'accord ? Et d'autres, comme Daoud al-Zahiri, et c'est même le choix de l'imam Shawkani, ils disent toutes les peaux tannées sont licites, y compris la peau du chien, y compris la peau du porc. Pourquoi? Parce que le texte est général. Ayyuma ihabin dubira fahuwa tahur. Toute peau qui a été tannée devient pure. Hadith rapporté par les quatre. Donc ça, c'est les avis des savants là-dessus. Bon, toute façon, les contemporains, Cheikh Al-Uthaymin, il a dit que c'est illicite la peau des bêtes dans la viande est comestible, c'est spécial. Mais il y a khilaf là-dessus. Hadith numéro 19, hadith 19. عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في أنيتهم قال لا تأكلوا فيها إلا أن تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها متفق عليه. En rapporte d'Abi Tha'lab al-Khushani qui disait: j'ai dit, envoyé d'Allah, nous sommes dans un pays de gens du livre, peut-on manger dans leur récipient? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit: n'y mangez pas sauf si vous n'en trouvez pas d'autres, dans ce cas lavez-les et mangez-y. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim, accordé par les deux selon un seul compagnon. Muttafaqun alayh. Donc les leçons de ce hadith, il nous pousse à la question suivante: est-ce que l'associateur est impur ou pur? La majorité des savants, ils disent qu'il n'est pas impur en lui-même, mais qu'il est intérieurement impur, vu les fausses croyances, les mauvaises croyances qu'il a dans son cœur. C'est son cœur qui est impur. Le shirk, la mécréance, l'association, l'idolâtrie, etc. Les preuves, comme quoi il ne sont pas impurs, matériellement, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mangé du plat préparé par la femme juive, Fatima bintul Harith, vous vous rappelez, de la bataille de Khaybar, le jour de Khaybar, il a mangé du plat qui a été préparé. Hadith, il se trouve dans le Bukhari et Muslim, selon Abu Huraira. Il a mangé aussi même de daba'ih, de ce qu'ils ont égorgé, il a mangé de l'épaule de l'agneau qui a été empoisonné. Mais ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a mangé, ça veut dire que c'est autorisé de manger des plats qu'ils ont préparés. Et il y a aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a accepté l'invitation d'un juif et a mangé chez lui, mangé du pain et même a mangé de la viande. Hadith rapporté par l'imam Ahmed. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mangé du fromage importé des pays des gens du livre. Le hadith selon Ibn Omar, il est rapporté par Abu Daoud et l'imam Ahmed, et il les connaît, on sait qu'ils touchent ce fromage là ils le touchent avec leurs mains, etc. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mangé de ce fromage là et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a attaché Thumam ibn Athal. Vous vous rappelez de l'histoire de Thumam ibn Athal? Il a attaché Thumam ibn Athal alors qu'il était associateur, il l'a attaché à un poteau dans la mosquée. Donc s'il était impur, il l'aurait épargné la mosquée, il l'aurait mis en dehors de la mosquée. Il y a aussi le hadith de Imran al-Husayn que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons avaient fait les ablutions d'un récipient ou de la gibecière d'une femme mécréante, Mazada. Hadith, on va en parler, c'est un hadith rapporté par le Bukhari et Muslim. Donc ils ont utilisé l'ustensile d'une femme mécréante. Et autre argument, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons étaient voisins des mécréants et ils font le commerce avec eux, ils parlent avec eux, etc. Et on n'a aucune preuve qui nous dit qu'il faut s'en écarter parce qu'ils portent qu'ils sont impurs extérieurement. L'autre avis, c'est il y a un avis selon Ibn Hazm qui dit qu'ils sont impurs, etc., mais c'est pas un avis qui est fort, et même un avis de l'Hassan al-Basri et une version aussi de l'imam Malik. Maintenant, le statut concernant l'utilisation des récipients des gens du livre. Hadith, il en parle. Il y a le premier avis, c'est que il est interdit de manger dans les récipients des mécréants sauf si on ne trouve pas d'autres. Ça veut dire sauf en cas de nécessité. Donc ils ont, à partir du sens apparent du hadith, ils ont déduit ça. Ça, c'est un avis. Le deuxième avis, ça c'est l'avis le plus fort, c'est l'avis de la majorité des savants, Shafi'i, Abu Hanifa, une version de l'imam Ahmed, ils disent qu'il est autorisé d'utiliser les récipients et les ustensiles des gens du livre, et ils ont détaillé. Et ils disent, si on sait que ces gens-là, que ces mécréants, mangent dans ces récipients le porc et toute autre viande impure, ou boivent des boissons impures, il est souhaitable de les laver. Souhaitable, et non pas obligatoire. Ils disent souhaitable de les laver. Et ça, c'est, ils ont détaillé. Ça, c'est un premier détail. Le deuxième détail, ils disent, si on observe l'impureté dans le récipient, dans ce cas, on le lave. Il est obligatoire de le nettoyer. Si on observe de nos propres yeux l'impureté dans le récipient, on le lave. Et si on sait d'eux qu'ils évitent les choses impures, on peut utiliser leur ustensile sans les laver. Si on sait d'eux qu'ils évitent les choses impures et tout, dans leur vie quotidienne, etc., donc on peut utiliser leurs ustensiles, on peut emprunter d'eux les récipients, les plats, etc. Donc ça, c'est l'avis de la foule, de la majorité des grands savants. Et ils disent ce qui appuie cet avis-là, ce sont les autres versions de ce hadith que le mécréant dont a parlé Abu Ta'laba ne se préservait pas de l'impureté. Dans la version de Abu Daoud, la version qu'on a, le hadith numéro 19, il est rapporté par le Bukhari Muslim selon Abu Ta'laba al-Khushani. On a trouvé dans la version de l'imam Abu Daoud et Ahmed plus de détails qui appuient cet avis-là. C'est que Abu Ta'laba a dit, « Envoyé d'Allah, nous sommes dans un pays de gens du livre, ils avaient l'habitude de manger dans leur récipient la viande du porc et boivent dedans le vin. Peut-on manger dans leur récipient ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, « N'y mangez pas, sauf si vous n'en trouvez pas. » Et dans ce cas, sans vous n'en trouvez pas, dans ce cas, lavez-les et mangez-y. Donc, il a fait comprendre, Abu Ta'laba a fait comprendre au prophète sallallahu alayhi wa sallam que c'est des gens qui ont l'habitude de manger du porc, etc. Donc, ils ne se préservent pas des impuretés. Et donc, si on sait d'eux qu'ils nettoient qu'ils évitent les impuretés et qu'ils nettoient leurs ustensiles, on peut les utiliser. Et le verbe en impératif, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « La ta'koulou fiha » n'y mangez pas, ne signifie pas l'interdiction, mais juste que c'est répugnant et c'est détestable. Donc ça ne signifie pas l'interdiction totale, mais il signifie seulement que c'est détestable. Et il y a autre chose qu'on peut déduire de ce hadith-là, qu'il n'est pas spécifique, qu'il n'est pas spécial pour les gens du livre, mais il englobe les autres associateurs, les idolâtres, les majus, les zoroastriens, il les englobe dans le hukm. De même, les ustensiles des idolâtres, si on sait qu'ils nettoient leurs ustensiles, on peut les utiliser. Ça, c'est une leçon à retenir. D'autres leçons, c'est qu'il est obligatoire aux musulmans de chercher la loi d'Allah concernant ce qui l'intéresse dans la vie quotidienne. Abu Ta'laba lui a posé cette question sur les récipients des mécréants, est-ce qu'on a le droit de les utiliser. C'est qu'il est, il est obligatoire à toute personne de chercher ce qui le concerne dans sa vie quotidienne. Il doit demander aux savants là-dessus. On rentre maintenant dans hadith numéro 20. عن عمران ابن حسين رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة متفق عليه في حديث طويل. On rapporte de عمران ابن حسين que le prophète صلى الله عليه وسلم et ses compagnons avaient fait leurs ablutions d'une mazada, c'est deux poux qu'on a soudés l'un avec l'autre pour former une grande outre d'une femme associatrice. Donc ils ont fait leur ablution à partir de l'eau qu'ils ont puisée de cette mazada, de cette outre d'une femme associatrice. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim dans une longue version. Et ce passage, il fait partie d'un long hadith. C'était lors d'un voyage du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lors de l'une de ses expéditions. C'est un hadith qui est long. Mais comment ils ont rencontré cette femme? C'est que les compagnons se sont plaints auprès du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, du manque d'eau. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a engagé, il a chargé Ali, radiallahu anhu, et un autre compagnon pour chercher l'eau. Et dans leur route, ils ont rencontré une femme sur un chameau, et qui a cette mazada, elle a mis sur le chameau une grande outre d'eau. Et puis ils lui ont posé la question, ils ont dit où se trouve l'eau, et il a dit ma dernière rencontre avec un point d'eau où on a puisé l'eau, ça date d'hier à la même heure. C'est-à-dire hier à la même heure, et mes compagnons sont à la recherche de l'eau. Et eux, quand ils ont vu que l'eau qu'elle avait dans l'outre, elle date d'hier, ils ont dit viens avec nous. Et il a dit où? Et ils ont dit à l'envoyé d'Allah. Il a dit celui qu'on surnomme Sabe, ça veut dire celui qu'on surnomme, celui qui a changé la religion, celui qui change de religion, il l'appelle Sabe, les mécréants. Et ils lui ont dit oui, c'est celui-là. Et ils informèrent le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et alors ils ont fait descendre la femme de sa monture. Et les deux outres aussi, ils l'ont fait descendre aussi. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a, avec ses deux outres, il a approvisionné toute l'armée, tous les compagnons qui étaient avec eux. Et il y avait même une personne qui était atteinte de janaba, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis de l'eau dans un récipient, il a dit lave-toi. Donc rien que cette mazada, petite quantité d'eau, elle a servi à toute l'armée, à tous les compagnons, à une centaine de compagnons. Et la personne, la femme mécréante, il regardait la scène et il était étonné par ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Imran ibn Hussein, qui rapporte ce hadith, il a dit j'ai l'impression que les outres sont plus remplis qu'ils ne l'étaient. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a provisionné tout le monde, et les outres sont encore, et jusqu'au point où Imran ibn Hussein l'a dit, ils sont plus remplis qu'ils ne l'étaient avant. Et la femme, il regardait la scène avec étonnement. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ramassa du blé, de la semoule, il ramassa des dattes et des produits sucrés, et il a donné, ils ont fait monter la femme sur sa monture, et lui ont donné ces produits-là, le blé, etc. Ils l'ont mis dans un sac, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit nous n'avons rien pris de ton eau, c'est Allah qui nous a donné à boire. Et quand il retourna chez ses compagnons, il leur dit je suis venu d'une personne, il est soit le plus grand sorcier qui existe entre ces deux, et il a montré du pouce le ciel et du majeur la terre, ça veut dire entre le ciel et la terre, il y a sur terre pas plus sorcier que lui, ou bien il est prophète. Il est soit l'un des deux, il est soit sorcier, soit prophète. Bon, ça c'est un long hadith. Bon, ce qu'on peut déduire, c'est que le prophète sallam, il a utilisé l'outre, et les compagnons, ils ont fait les ablutions avec l'eau de cette outre. Donc ça renforce le fait que la peau tannée de la bête morte est licite et pure. Le hadith 21, le hadith précédent, le hadith 20, c'est le hadith apporté par Al-Bukhari, et vous le trouvez dans Sahih al-Bukhari, hadith numéro 344. Le hadith numéro 21 maintenant, an Anas ibn Malik, on l'a évoqué ce hadith. An Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu, qala an Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu, anna qadaha an-nabi sallallahu alayhi wa sallam inkasara fattakhadha makana ash-sha'bi silsilatan min fiddah. Akhrajahu al-Bukhari, rapporté par al-Bukhari. On rapporte d'Anas ibn Malik que la vase du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'était cassée, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a remplacé l'anse par une chaîne en argent, hadith rapporté par Al-Bukhari. On a parlé de ce hadith, et ce hadith, on a parlé de ce hadith sur l'incrustation de l'argent, et tout ce qu'on peut ajouter, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a montré une règle, c'est la règle de l'économie, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne gaspillait pas les choses. Quand la vase a été cassée, il ne l'a pas jetée dans la poubelle, il a utilisé la chaîne et il a collé cette vase. Donc c'est une règle qu'il faut être économe, et que la personne qui est économe ne tombe jamais dans la nécessité. Et il ne faut pas ressembler au mécréant, au moindre problème dans la télé ou une radio, il la jette dans la poubelle. Il ne faut pas faire pareil. Donc ça, c'est une règle que nous apprend le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a terminé ce chapitre, le chapitre des récipients. Maintenant, on rentre dans le chapitre numéro 3. Bab izalat an-najasat wa bayanuha. C'est le chapitre, qu'est-ce que c'est que la souillure et comment l'enlever. Définition de la souillure et mode d'enlèvement. Hadith numéro 22. Non, on rentre dans le chapitre qui parle des impuretés. Hadith numéro 22, an Anas ibn Malik, radiyallahu ta'ala anhu, qala, su'ila Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, anil khamri tuttakhadu khalla, qala la, akhrajahu Muslim wa Tirmidhi, wa qala hadithun hasanun sahih. On rapporte d'Anas ibn Malik qui disait, on demanda un jour au prophète sallallahu alayhi wa sallam, peut-on utiliser du vin comme vinaigre? Il répondit non. Hadith rapporté par Muslim et Tirmidhi. Et Tirmidhi l'a qualifié d'authentique. Explication. Alors, dans ce hadith, le nom de celui qui posa la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas mentionné. Mais Anas a mentionné son nom. On trouve le nom de la personne qui a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hadith, on rapporte d'Anas ibn Malik qui disait, on demanda un jour. On demanda. Qui a demandé? Dans la version de Abu Daoud et l'imam Ahmed, que c'est Abu Talha radiallahu anhu qui dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, voilà la version de Abu Daoud et l'imam Ahmed, qui dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam que des orphelins ont hérité du vin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit verse-la, verse ce vin-là, même si c'est en grande quantité, verse-la. Et Abu Talha radiallahu anhu, il a dit, ai-je le droit de la transformer en vinaigre? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit non. Il a répondu non. Le vinaigre, c'est quoi? C'est un liquide, d'accord, qui provient de l'altération d'état du jus de certains fruits, du jus de raisin, du jus de pomme, à une certaine température de 20 à 25 degrés et à l'air libre. De toute façon, il y a des facteurs qui agissent pour transformer ce jus de fruits en vinaigre, là, quand l'acidité du produit augmente. Et le vin se transforme en vinaigre. On sait que le vin se transforme en vinaigre par altération d'état. Et il peut se transformer en lui-même par l'action d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il peut se transformer par l'action humaine. Ça veut dire que l'être humain peut y ajouter des produits, et il le met à certaines températures et à des conditions bien précises, et le vin se transforme en vinaigre. Maintenant, statut juridique, hukm, statut de cette transformation. Si le vin se transforme en vinaigre par l'action d'Allah sans l'intervention d'un être humain, il devient pur et licite. Il est licite pour consommer. Et l'imam Nawawi et Ibn Taymiyyah ont souligné qu'il y a ijma' là-dessus, qu'il y a unanimité, que si le vin se transforme en lui-même sans action intentionnelle de quelqu'un, il se transforme en lui-même en vinaigre, il est licite. D'accord. Si maintenant le vin se transforme en vinaigre par l'action d'un homme, si c'est un homme, volontairement il a transformé le vin en vinaigre. À l'origine c'était du vin, et après il l'a transformé en vinaigre. Il y a trois avis de savants. Il y a l'avis de la foule, Jumhur l'ulama, Shafi'i, Malik, Ahmed et beaucoup de compagnons, tels qu'Omar ibn Khattab, que la transformation intentionnelle du vin en vinaigre est un acte de désobéissance et le vinaigre ne devient pas pur. Le vinaigre ne devient pas pur si la transformation est intentionnelle. Et leurs arguments, c'est le hadith de Anas. Le hadith de Anas. Quand Abu Talha il a posé la question, peut-on utiliser le vin comme vinaigre? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit non. Il a répondu par la négation. Donc ils ont dit que s'il y avait un moyen humain pour purifier le vinaigre, pour le transformer, pour transformer le vin en vinaigre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'aurait indiqué par esprit de garder les biens. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit vers cela, et on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de tout à l'heure, qu'il a imposé la règle de l'économie, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit le gaspillage, que s'il y a un autre moyen de remédier à ça et de transformer ce vin en autre produit, en vinaigre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aurait recommandé, il a dit verse-le vers ce vin-là. Est-ce que cette version est claire? Ce qui appuie davantage dans le même hadith, ce qui appuie davantage cet argument-là, c'est que le vin appartenait en plus à des orphelins. Et si le prophète avait trouvé autre moyen de le transformer ou quoi que ce soit, il l'aurait fait parce qu'il appartient à des orphelins, ils sont dans la nécessité. Il y a aussi, ça c'est un avis, il y a l'avis de Soufiane et Ibn al-Mubarak, il a dit que c'est détestable, ce n'est pas haram de le transformer intentionnellement, mais c'est détestable, juste makro. Il y a le troisième avis, celui de Abu Hanifa, Layth al-Awza'i et Ibn Hazm, ils ont dit qu'il est permis de transformer le vin en vinaigre. Mais les savants contemporains, ils disent que le premier avis est le plus fort et il est interdit de transformer intentionnellement le vin en vinaigre. Il y a une question qui se pose là. Est-ce que le vin est pur ou impur? Ah, question très importante. À la base, on sait que les choses à la base sont pures. À la base, sont licites. Les choses de la vie sont licites. Sauf s'il y a un texte qui interdit. Les choses de l'adoration sont illicites, il y a la base de l'interdiction, sauf s'il y a un texte qui autorise. Dans la prière, tout est haram de manger, de boire dans la prière, sauf s'il y a un texte qui l'autorise. D'accord? Dans les choses de la vie, tout est halal, sauf s'il y a un texte qui interdit. D'accord? Toute la viande animale est halal. Sauf il y a l'interdiction que la bête trouvée morte est interdite, les bêtes sauvages sont interdites. D'accord? À la base, les choses de la vie sont c'est licite. Donc maintenant, le vin, à la base, on considère, puisqu'il fait partie des choses de la vie, qu'il est licite, qu'il est pur à la base, qu'il est pur. Ne parlons pas de qu'il est illicite, ça c'est tout le monde est d'accord. Qu'il est pur à la base. D'accord, l'interdiction, il ne parle pas il parle de la consommation. Quand Allah il a interdit le vin, ça ne veut pas dire obligatoirement qu'il est impur. Donc, et dans le verset, quand Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, ô les croyants, le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont que rijs, souillures, œuvres de Satan, écartez-vous-en afin que vous réussissiez. Dans Surat Al-Ma'idah, le Surat 5 et le verset 90, ô les croyants, le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont que souillures. Il y a certains qui se basent sur ça pour dire que le vin est impur. Mais si on lit le verset, c'est que le jeu de hasard, Il est impur en lui-même. Mais le jeu de hasard, c'est pas une impureté. C'est quelque chose, c'est un jeu qui a été interdit. De même, les pierres dressées, telles que les statues, la statue, il est formé en pierre, on peut la toucher, on ne va pas nous souiller, on va pas refaire les ablutions, quoi que ce soit, ou si on le touche avec nos vêtements, ou là, on ne va pas refaire la prière, ou changer de vêtements. Donc, en elle-même, la statue, elle n'est pas impure. Donc, les flèches de divination. Quand il marque dans une flèche, Allah, il veut que je fasse telle chose. Allah, il ne veut pas que je fasse telle chose. Allah, et dans la troisième flèche, il marque que c'est notre. Et il jette ça, il tirage au sort. Pom, il prend une flèche au hasard. Allah, il a voulu ce que j'ai l'intention de faire, ou Allah, il n'a pas voulu, etc. C'était ce que faisaient les idolâtres avant. Donc, c'est des flèches, elles ne sont pas impures. Donc, souillure ici ne veut pas dire souillure matérielle. Oh, les croyants, le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont que souillures. Rijs, œuvre de Satan, ne veut pas dire souillure matérielle. Donc, ce verset-là n'est pas une preuve que le vin est impur. Ça, c'est une chose. Le même quand Allah, il dit, écartez-vous-en, et ijtanibou, ne prouve en aucun cas que c'est une impureté. Évitez-le, évitez de le vendre, de le servir, de le boire, de fréquenter les gens qui le boivent. C'est ça, évitez-le. Mais ce n'est pas une preuve que c'est une impureté. D'accord ? Et il y a des choses qui sont illicites, mais cette illicité n'exige pas l'impureté. N'exige pas l'impureté de la chose. D'accord ? Il y a des choses qui sont illicites, mais le fait qu'elles sont illicites n'exige pas qu'elles sont impures. L'or est illicite pour les hommes et il n'est pas impur. D'accord ? La chose est claire. La soie, elle est illicite pour les hommes, mais elle n'est pas impure. Un autre argument, c'est que le vin n'était pas interdit au début de l'islam. Le vin n'était pas interdit au début de l'islam et certains compagnons le buvaient. Et s'ils le boivent, sûrement que ça va couler sur leurs vêtements et leur corps. Et on n'a aucune preuve. On a des preuves que Hamza il buvait, on a des preuves que Anas ibn Malik il servait du vin avant l'interdiction. Et certains compagnons le buvaient, hadith sur Hamza, il est dans le Bukhari, sahih. Mais on n'a aucune preuve que le prophète sallam, avant de faire takbirat l'ihram ou de commencer la prière, de dire est-ce que vous avez bu le vin, est-ce que vos vêtements sont tachés par des taches de vin, etc. Ni est-ce que vous vous êtes rincé la bouche parce que vous avez bu quelque chose d'impur. D'accord ? Donc ça, c'est une preuve comme quoi le vin n'est pas impur en lui-même. Il est haram pour la consommation, mais il n'est pas impur comme produit. D'accord ? Et la chose, il était avant, le vin était avant autorisé et après c'est devenu interdit. Et normalement, la chose impure, elle est totalement interdite. Il ne peut pas y avoir une abrogation. Une chose impure ne peut pas être un jour pure. Et le lendemain, peut pas être un jour impur et le lendemain on l'autorise. Donc ça c'est un argument. Comme quoi le prophète sallam n'a pas dit aux compagnons lavez vos vêtements ni vos tapis quand vous servez le vin chez vous, etc. Lavez vos tapis, etc. Parce que le vin est impur. Il y a autre argument. Lorsque ce verset-là. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ورجس من عمل الشيطان le vin, le jeu du hasard, les pierres dressées et les flèches de divination ne sont que souillures, œuvres de Satan, écartez-vous-en, فاجتنبوه لعلكم تفلحون, afin que vous réussissiez. Ce verset-là, quand il a été descendu sur le prophète صلى الله عليه وسلم, qu'est-ce qu'ils ont fait les compagnons? Ils ont versé des jarres, des tonneaux de vin dans les rues de Médine. Et ça, c'est à la fin. Ça veut dire, c'est à Médine et les dernières années de la révélation. Après, l'interdiction que le professeur sallam a interdit d'uriner dans l'eau stagnante, ou d'uriner dans le chemin des gens, ou de jeter les impuretés dans le chemin des gens, ou à l'ambre des gens, ou le, là où les gens s'assoient. Et pourtant, ils ont pris les jarres, ils ont versé ça dans les rues. Si c'était de l'impureté, le professeur sallam l'aurait interdit de faire cet acte-là. Et les compagnons savaient que le professeur sallam a interdit d'uriner dans des endroits qui sont fréquentés par les gens et de jeter l'impureté dedans. Donc, eux, dès le début, ils se seraient abstenus de faire ça. Mais ils savaient que c'était pur et l'a versé dans les rues. D'accord ? De même, les gens, ils peuvent marcher sur ces boues. Il y avait des boues carrément. Les Occidentaux, les Américains, concernant la consommation du vin, sont des enfants devant les Arabes de l'époque. Les Arabes de l'époque, ils buvaient à grande quantité. Il y avait même une culture de vin. Une culture. Des poèmes, ils écrivent. Ils écrivent des poèmes du début, 200 vers de poèmes sur le vin. La beauté du vin, etc. C'était enraciné dans leur culture. C'était une dépendance morale, intellectuelle, et tout ce que vous voulez. Ça servit le verset d'Allah qu'il descend, et ils ont tout jeté. Conviction envers les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ni prohibition, ni investigation, ni policier, ni enquête, ni service secret, ni rien. La loi d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il l'a révélée, ils se sont abstenus. Ils ont jeté ça dans les rues et il y avait des bouts carrément de vin. Et on sait que les gens vont passer et ils vont prier dans la mosquée et on n'a aucune preuve que le professeur sallam a dit lavez vos vêtements lorsque vous passez par ces rues-là. De même, quand un bédouin a voulu donner comme cadeau au prophète sallallahu alayhi wa sallam une outre de vin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit le vin a été interdit. Et un homme s'approcha de ce bédouin-là et lui murmura quelques mots. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit intervint, il dit qu'est-ce que tu viens de lui dire? Et la personne, il a répondu, il a dit je l'ai conseillé de la vendre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quand Allah interdit quelque chose, son prix aussi est interdit. Et aussitôt le bédouin ouvrit la jarre et il la versa en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans l'endroit où il est assis le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il la versa comme ça, directement. Il ne s'est pas écarté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas jeté ailleurs, il l'a versé devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas dit que c'est une impureté, tu viens de jeter une impureté devant moi. Donc ça c'est aussi une preuve qui est solide, comme quoi le vin n'est pas impur. Ça veut dire que si la personne est touchée par le vin, il rentre dans la mosquée, il peut faire la prière avec, même si la tache est dans ses vêtements. Bon, l'avis, on sait que l'avis du Jumhur, la majorité des savants, ils disent que c'est impur. Imam Malik, Shafi'i, Abu Hanifa, Imam Ahmed. Mais ces arguments-là sont solides. Et les derniers, comme Cheikh Al-Uthaymin, Abdallah, il dit que le vin est pur. À partir de ces arguments, et beaucoup de ses élèves le disent. Et Cheikh Al-Albani, il dit aussi, et il le dit. Donc, nous, ce qu'on peut dire avec la force de ces arguments-là, que le vin est pur en lui-même, mais il est illicite pour la consommation, il est haram. Et on termine pour aujourd'hui. Wa subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.